C'est l'heure du vif de l'histoire et Jean Lebrun, nous allons danser avec trois personnages qui ont animé le Paris des années folles il y a un siècle environ. Deux Russes qui ont fui les bolcheviks et un Américain, l'impresario Serge Diaghilev, le fondateur des ballets russes que l'on appelait Barine, Monseigneur en quelque sorte, l'écrivain et librettiste, scénariste de ballet, directeur de compagnie Boris Kochno, et puis Cole Porter, compositeur de comédie musicale. Un spectacle au Théâtre du Châtelet consacré à Cole Porter vous a donné envie de parler d'eux, spectacle hommage à Cole Porter. Alors Cole, c'était un garçon merveilleusement doué, peut-être trop, élevé comme un petit lord dans une famille de la bourgeoisie cultivée. Ses œuvres ont pourtant rivalisé avec le meilleur jazz noir. En 18, il arrive à Paris, en 19, il se marie à la mairie du 18e avec Linda Lee Thomas. Les porteurs sont riches, elles plus que lui. Ils aiment recevoir. Et ils deviennent des figures de proue des Américains, nombreux alors à Paris. Linda Lee est omniprésente dans le spectacle que Christophe Mirambeau a inventé au Châtelet avec la brillante compagnie des Frivolités parisiennes. Mais survient un personnage qui va jouer un rôle décisif. C'est, ça se prononce comme un faux ami, Boris Kochno. Alors encore adolescent, après avoir fui la Russie bolchevique, il est devenu à Paris l'amant de Diaghilev, l'animateur des ballets russes, vous l'avez dit. « Vous serez mon secrétaire », lui a dit le vieux Barine. « C'est-à-dire ?» a demandé le jeune homme. « Eh ben, vous inventerez votre métier », s'est-il entendu répondre. Et c'est ainsi que Boris, grâce à son autorité féroce et son goût toujours sûr, avait mué en numéro 1 bis de l'illustre compagnie. Et il se trouve que beaucoup plus tard, vous avez bien connu Boris Kochno. Ben, j'ai même encore chez moi le porte-cigarette en argent que Diaghilev lui avait donné à cette époque, quand il avait écrit pour lui le livret de la maison de Matryona. En ce début des années 20, Boris et Cole étaient engagés chacun de leur côté. Mais, raconte Christophe Mirambeau, il n'y avait pas que Paris pour les rencontres. Il y avait aussi Venise, où Diaghilev passait l'été au Danieli et où la journaliste Elsa Macquel attirait les artistes lancés au Lido. Cole et Boris s'arrangent donc pour filer le parfait amour. Tu es ma steppe russe. Tu es, vous pourriez répondre Bruno, ma fine Napoléon. Tu es le camembert. Tu es le dante de l'enfer. Alors ce sont les paroles de Cole Porter, bien chantées, bien chorégraphiées. C'est pas idiot du tout, je vous jure. Bon, Kochno est celui des trois qui est mort le plus tard en 1990. Et en le voyant représenté sur la scène du Châtelet plus de 30 ans après, vous est revenu un souvenir de lui au Châtelet à Paris justement. Oui, il avait poursuivi son parcours. Il avait eu comme compagnon le grand peintre de théâtre Bérard. Il incarnait la modernité passée à l'histoire. Je suis allé souvent l'interroger comme on interroge un trésor vivant. Et puis, les circonstances ont fait qu'à la fin de sa vie, alors qu'il était infirme et seul, j'avais, parmi ses amis, pris un tour de garde. Et un soir, donc, je l'ai emmené au Châtelet. Alors, il marchait difficilement en s'appuyant sur deux cannes. Ça n'avait pas été simple de l'extraire de sa petite maison biscornue dans le quartier Montorgueil, puis du taxi, et enfin de le faire parvenir jusqu'au premier rang du théâtre. Ailleurs, il n'aurait rien vu. Et voilà qu'un tiers de siècle plus tard, il n'est plus cloué à son fauteuil. Il est sur scène, interprété par un jeune homme bondissant. Et je le vois même, avec Cole, jetant par-dessus les moulins. Veste, chemise, pantalon. Je chante comme un ruisseau, je gambade comme un agneau. Dans le spectacle de Christophe Mirambeau, c'est Cole Porter qui dit davantage son amour. Tandis que Boris s'efface, disparaît. Boris qui plus tard donnait audience avec une certaine solennité dans son salon. Derrière lui, posé sur un chevalet, un grand portrait de Géricault, qui d'ailleurs n'en était pas un. Mais il avait été acheté aux puces en compagnie de Max Ernst, ce qui n'était pas rien. Boris jouait avec son fume-cigarette, déposant ses cendres dans une boîte à mégots, inestimable parce que signée et offerte pendant l'occupation par Picasso. J'ai le souvenir qu'il ne parlait pas spontanément de Cole Porter, en tout cas pas longuement. L'a-t-il aimé ? Demande Mirambeau. Boris répétait tout le temps « J'évite absolument le vocabulaire de l'amour, je le cite, tout ce qui s'ensuit avec !» de Diaghilev et de Bérard, donc il entretenait plus facilement ses visiteurs. Il disait simplement, vous savez, « on s'entendait bien, voilà tout ». Après la mort de Boris, alors que je disposais encore de la clé de sa maison, je suis monté jusqu'au grenier, où les archives d'une vie riche d'excès pourtant étaient parfaitement rangées. Il y avait des lettres de Cole, me semble-t-il. Je ne les ai pas ouvertes. S'écrivait-il encore alors que Cole, le premier des deux, était devenu infirme dès 37 à la suite d'un terrible accident de cheval. Tu es mon ruisseau, je gambade comme un agneau. Cole Porter in Paris, c'est jusqu'au 1er janvier au Théâtre du Châtelet à Paris. Merci Jean Lebrun. France Inter.